Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Livre 3. Traité de la purification et de la nuit active de la mémoire et de la volonté, conduite que doit tenir l'âme à l'égard de ces deux puissances, pour parvenir à l'union divine, exposé du sujet. Jusqu'ici nous avons essayé de diriger la première puissance de l'âme, l'entendement, vers la foi, qui est la première vertu théologale, afin de lui fournir le moyen de s'unir à Dieu dans toutes ses connaissances, par la pureté de cette même foi. Il nous reste maintenant à guider les autres puissances, la mémoire et la volonté, vers ce but unique de l'union, et à opérer le même travail de purification à l'égard de leurs actes, de telle sorte que ces deux dernières facultés de l'âme s'élèvent jusqu'à Dieu. Dans une espérance et une charité parfaite, c'est ce que nous allons expliquer brièvement dans ce troisième livre, l'entendement est comme le réservoir de tous les objets, dont les autres puissances font leur aliment, et ce que nous en avons dit, dans les deux premiers livres, a grandement abrégé notre tâche actuelle, il ne sera donc pas nécessaire de nous étendre aussi longuement. Sur le double sujet de la mémoire et de la volonté, quand l'homme spirituel a su gouverner son entendement par la foi, d'après la méthode enseignée déjà, il n'a plus qu'à régler les opérations des puissances de mémoire et de volonté, par rapport aux deux autres vertus théologales. En effet, l'exercice de l'espérance et de la charité ne dépend-il pas toujours de l'exercice de la foi ? Pour ne pas nous écarter du plan que nous avons adopté, et pour donner au lecteur une plus parfaite intelligence de ces matières, il est utile d'avoir un sujet précis et déterminé. Nous parlerons donc séparément des actes de chaque puissance, et en premier lieu de ceux de la mémoire, en établissant une division favorable à notre sujet. Nous la tirerons de la distinction même des différents objets de ces puissances, qui sont au nombre de trois, les objets naturels, les surnaturels imaginaires et les spirituels. Ils correspondent aux trois sortes de connaissances de la mémoire, les connaissances naturelles, les surnaturels imaginaires, enfin les spirituels. Commençons, avec le secours d'en haut, par les connaissances naturelles qui ont pour objet les choses extérieures. Nous traiterons ensuite des affections de la volonté, et par là nous terminerons ce troisième livre de la nuit active de l'esprit. Chapitre 1er. Des connaissances naturelles de la mémoire, comment il faut y renoncer, afin de s'unir à Dieu par cette seconde puissance. Le lecteur a besoin de se souvenir, au commencement de chaque livre, de la fin que nous nous proposons. Sans une semblable précaution, bien des doutes surgiraient à cette lecture, ainsi qu'il peut s'en élever actuellement sur ce que nous avons dit de l'intelligence, ou sur ce qui nous reste à dire de la mémoire et de la volonté. En effet, en présence de l'anéantissement où nous réduisons les actes de ces facultés, peu être lui semblera-t-il que nous détruisons par là l'édifice spirituel, au lieu de le construire. Il n'aurait pas tort, si notre intention était de nous adresser exclusivement aux commençants, qui ont besoin de se former peu à peu, par l'exercice de ces connaissances réfléchies et sensibles, mais nous prétendons leur apprendre ici à franchir les premiers degrés de la vie spirituelle, pour parvenir, par la voie contemplative, à la consommation de l'union divine. Or pour cette union, il faut mettre de côté toutes les opérations sensibles des puissances, et leur imposer silence, afin de laisser le champ libre à l'action du souverain maître, Voilà pourquoi il importe de s'engager dans le sentier étroit du détachement, et de purifier l'âme par la mortification et l'abandon de ses aptitudes naturelles. Le vide opéré dans ses puissances les dispose à être rempli du surnaturel et illuminé de ses splendeurs. Au contraire, leur activité naturelle et leur capacité propre ne peuvent que distraire l'âme, et l'empêcher de parvenir à des biens si éminents. La connaissance de Dieu s'acquiert plutôt par la négation que par l'affirmation, donc, pour tendre vers lui, l'âme doit de toute nécessité faire abstraction de ses connaissances naturelles, et même ne pas accepter volontiers les surnaturels. Tel est le travail que nous allons entreprendre à l'égard de la mémoire, en lui faisant franchir ses bornes et ses limites naturelles, pour l'élever au-dessus d'elle-même, c'est-à-dire au-dessus de toute conception spéciale, de toute possession sensible, jusqu'à la souveraine espérance du Dieu incompréhensible. Les connaissances naturelles sont d'abord toutes celles que la mémoire peut extraire et retenir des objets, à l'aide des cinq sens corporels, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, puis celles qu'elle peut former de son propre fond. Sur les premières données, que l'âme se dégage de ses représentations, et s'efforce d'en perdre le souvenir, au point de n'en pas même conserver l'empreinte dans son esprit, qu'elle se tienne, le plus possible, dans un vide total et une séparation absolue, s'élevant au-dessus de ses connaissances, comme si elle ne l'avait pas traversée, jamais l'union ne s'effectuera sans le dénuement complet de toutes les formes sensibles, qui ne sont pas Dieu. Puisque Dieu ne se renferme pas dans le domaine des images, ou des idées spéciales, comme il a été expliqué à propos de la nuit de l'entendement, personne ne peut servir deux maîtres à la fois, Matthieu, 6, 24, selon l'enseignement de notre divin Rédempteur. Or la mémoire ne peut pas être unie simultanément, et d'une manière parfaite, à Dieu et aux espèces ou connaissances particulières. En Dieu, les formes et les images accessibles à cette faculté n'existent pas, et une expérience journalière nous prouve que pendant l'union, l'imagination est comme perdue dans un oubli universel de toutes choses, et la mémoire toute absorbée dans le souverain bien. Cet état d'union élève l'âme jusqu'au surnaturel, et la sépare tellement de tout le créé, qu'elle a besoin de grands efforts pour se souvenir de quoi que ce soit. Parfois le temps s'écoule, sans qu'on remarque ni la succession, ni l'emploi des heures, tant est profonde cette suspension de l'imagination et de la mémoire. Unie à Dieu, la puissance imaginative est alors captivée, au point de ne pas même permettre au corps de ressentir les souffrances physiques qu'on pourrait lui faire endurer, car, on le sait, sans imagination il n'y a pas de sentiment. Les âmes parfaites en qui l'union est consommée, n'éprouvent plus ces sortes de suspensions qui appartiennent au commencement de la vie unitive. C'est pourquoi, afin de faciliter cette œuvre divine de l'union, l'âme doit dégager sa mémoire des liens de toutes les connaissances sensibles et naturelles. Ce raisonnement, direz-vous peut-être, paraît juste, mais il en résulte qu'on doit détruire les fonctions et l'usage naturel des puissances, et que par cette suppression l'homme descend au rang des animaux, et même plus bas encore, puisque, ne se servant pas de sa raison, il perd jusqu'au souvenir des exigences et des opérations de la nature. Le Seigneur ne détruit pas la nature, il la perfectionne, la doctrine exposée plus haut tend au contraire infailliblement à sa ruine. Et il s'ensuit que vous condamnez l'homme à renoncer aux principes moraux et rationnels, et à toute opération naturelle, par l'oubli des images et des connaissances, qui sont pour la mémoire des instruments d'activité. Je réponds à cette objection que plus la mémoire s'avance vers l'union, plus aussi elle perd les conceptions spéciales, jusqu'à en être complètement privée, Quand l'état de perfection est consommé, par conséquent, au début de ce travail, lorsque le souvenir des formes et des connaissances s'évanouit peu à peu dans l'âme, il lui est impossible de ne pas se sentir envahi par une grande abstraction, par rapport au créé, elle se comporte alors avec un souverain mépris d'elle-même, à l'égard des choses extérieures, tout abîmée en Dieu, elle oublie le boire et le manger, ne se souvient plus si elle a vu ou a fait telle ou telle chose, si on lui a parlé ou non, etc., mais une fois affermie dans l'habitude de l'union, le seul bien suprême, l'âme n'est plus assujettie à des oublis de ce genre. Quant aux actions morales, raisonnables et naturelles, loin de là, elle apporte une plus grande perfection aux actes qui regardent la convenance et les devoirs de sa position, car si elle agit à l'aide des formes et des connaissances de la mémoire, c'est sous une influence spéciale de Dieu, dans l'habitude de l'union, qui est un état surnaturel, la mémoire et les autres puissances cessent leurs opérations propres, et passent de leur fin naturelle à la fin de Dieu, qui est surnaturel, la mémoire ainsi transformée en Dieu ne garde plus l'empreinte des formes et des connaissances naturelles, ses opérations et celles des autres facultés sont alors comme divinisées, par suite de leur transformation en lui. Dieu exerce sur elles un empire souverain, c'est lui-même qui les meut et les gouverne. Au gré de son esprit et de son adorable volonté, saint Paul l'affirme, celui qui s'unit à Dieu, devient un même esprit avec lui, 1 Corinthiens, VI, 17, d'où il résulte que les opérations des âmes unies à Dieu sont celles de l'Esprit Saint, et par le fait même toutes divines. Dès lors leurs œuvres sont marquées au sceau de la raison et d'une convenance parfaite, l'Esprit de Dieu leur fait connaître ce dont elles doivent être instruites, ignorer ce qui leur est bon de ne pas savoir, se rappeler ce dont elles ont besoin de se souvenir, oublier ce qu'elles doivent mettre en oubli, donner leur affection à ceux qui méritent leur amour, enfin ne rien aimer en dehors de Dieu. Il ne faut pas s'étonner si dans ces âmes, même les premiers mouvements des puissances sont d'ordinaire comme divins, puisque l'âme se trouve comme transformée en l'être de Dieu. Je veux apporter quelques exemples à l'appui de ce que j'avance. Une personne s'adresse à une autre, qui se trouve dans cet état, pour lui demander de la recommander à Dieu, celle-ci ne songera pas à le faire. Parce que le souvenir de cette recommandation ne lui est pas resté dans la mémoire, cependant, s'il est à propos de prier à cette intention, c'est-à-dire si Dieu veut exaucer sa supplique, lui, même inclinera sa volonté et lui donnera le désir d'intercéder pour cette âme, au contraire, ne plaît-il pas au Tout-Puissant de se montrer favorable à sa prière, ses efforts seront vains. Elle n'aura ni la pensée, ni la faculté de prier, tandis que le Seigneur lui donnera l'une et l'autre pour des personnes qu'elle n'aura jamais vues ni connues. Dieu excite d'une manière particulière les puissances de ces âmes, comme je l'ai expliqué, afin que leurs actes soient conformes à sa sainte volonté et à ses décrets adorables. Aussi leurs prières et leurs œuvres sont-elles toujours efficaces. Telles furent celles de la glorieuse Mère de Dieu qui, élevée dès le principe à ce sublime état, ne conserva jamais dans son âme aucune image de créature, qui fut capable de distraire un seul instant sa pensée de Dieu. L'Esprit Saint était l'unique inspirateur de toutes ses actions et de tous ses mouvements. Voici un autre exemple, une personne doit aller à tel endroit, à un temps marqué, pour une affaire urgente, rien ne lui en rappelle le souvenir, or, sous une impulsion intérieure, la pensée de s'y rendre lui revient inopinément au moment précis, pour assurer le succès de cette affaire, l'Esprit Saint illumine ainsi les âmes, non seulement de semblables occurrences, mais dans beaucoup d'autres événements, dont elles ne sont pas toujours les témoins. Elles ignorent elles-mêmes d'où leur vient cette science, qui a certainement sa source dans la divine sagesse, car ces personnes se sont habituées à ne rien savoir par la voie de leur puissance naturelle, et à ne rien connaître des choses qui peuvent les empêcher de tendre à leur but, comme on le voit sur la gravure de la montagne. Placée en tête du second volume, il leur est donné de faire toutes leurs actions, d'après cette même maxime du sage, la sagesse même qui a tout créé me l'a enseigné, citation 7, 21. Vous m'objecterez peut-être qu'il est presque impossible à l'âme de priver et de dépouiller sa mémoire de toutes les formes et de toutes les images, au point requis pour atteindre un degré si sublime. En effet, il y a ici deux difficultés, qui dépassent les forces et le pouvoir donné à l'homme. La première est de se défaire de sa nature, la seconde de s'élever au surnaturel et de s'y maintenir, entreprise plus difficile encore, et même, à vrai dire, au-dessus des forces naturelles. Je suis le premier à convenir que Dieu seul peut placer l'âme dans cet état surnaturel, mais, de son côté, elle doit se disposer à coopérer à l'action divine, selon la mesure de son pouvoir, ce qu'elle peut faire avec l'assistance d'en haut, en raison directe de ses progrès dans le dégagement de toutes les formes et espèces sensibles, Dieu la mettra en possession par un acte passif. Du bien de l'union, nous développerons ce sujet dans la nuit passive de l'âme, alors, d'après les dispositions de l'âme, et à l'heure voulue par la Providence. L'habitude de l'union parfaite lui sera communiquée, nous ne parlerons pas ici des effets divins produits dans les trois puissances, parce que l'union ne se consomme pas pendant la nuit active, nous nous réservons de les énumérer à propos de la purification passive, où s'achève l'union de l'âme avec Dieu. Quant au dépouillement de la mémoire, je me borne à indiquer le moyen pour l'âme de se préparer activement à pénétrer dans cette nuit purgative. Ce moyen est que l'homme spirituel doit veiller continuellement à ne pas s'arrêter aux objets perceptibles au sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher, à ne pas s'y attacher ni en garder les impressions dans sa mémoire, mais il doit, au contraire, les laisser passer et se tenir à leur égard dans un saint oubli, excepté si leur souvenir lui est utile pour entretenir de bonnes pensées ou de pieuses méditations. Cette étude, qui consiste à oublier et à rejeter toutes les connaissances et les images, ne doit jamais s'appliquer à la sainte humanité du Christ. Sans doute, il peut arriver dans une profonde contemplation, et un très pur regard de la divinité, que l'âme n'ait pas un souvenir actuel de cette adorable humanité, car Dieu lui-même tient alors de sa main l'esprit captivé par cette connaissance confuse et toute surnaturelle, mais sous aucun rapport il ne convient de s'étudier spécialement à l'oublier. La vue et la considération pleine d'amour de cette sainte humanité portent l'âme au bien, et lui servent de moyen pour s'élever d'un vol rapide, jusqu'au plus haut sommet de l'union. Il y a des choses visibles et corporelles qui font obstacle à Dieu, il faut les mettre en oubli, mais comment pourrait-on leur assimiler le Verbe fait chair pour notre rédemption, lui qui est la voie, la vérité, la vie, et le guide dans tous les sentiers du bien, ce principe posé, que l'âme s'applique à un dégagement complet, au point de bannir de sa mémoire la connaissance et le souvenir des choses créées, absolument comme si elles n'existaient pas, ainsi délivrée de tous liens, la mémoire se verra comme perdue et anéantie dans un saint et universel oubli, pour l'amour de son Dieu. Si les doutes soulevés précédemment au sujet de l'entendement se présentent encore ici, c'est-à-dire, si l'on objecte que l'âme ne fait rien, qu'elle perd son temps et se prive des biens spirituels dont l'exercice de la mémoire serait la source, nous ne répondrons à cela rien de nouveau. Ayant déjà amplement résolu ces questions dans ce chapitre même, Nous ferons seulement observer à l'homme spirituel qu'il ne doit pas se décourager, s'il ne ressent point tout d'abord le profit qu'on trouve dans cet oubli des connaissances et des formes, à coup sûr Dieu ne l'abandonnera pas, et saura lui envoyer en temps opportun le secours nécessaire, et d'ailleurs, pour parvenir à un si grand bien, n'est-il pas juste de souffrir en patience et en espérance? Il est rare, à la vérité, de rencontrer une âme dirigée en toutes circonstances par cette impulsion divine, et si inséparablement unie au Seigneur que ses puissances soient toujours sous l'action de l'Esprit Saint. Cependant, chez certaines âmes privilégiées, le mobile ordinaire de leurs actions ne se trouve plus en elles-mêmes, mais en Dieu. C'est le sentiment du grand apôtre, les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont transformés en Dieu à lui sont unis, sont mus par l'Esprit de Dieu. Romains 8, 14, en d'autres termes, leurs puissances sont excitées à agir divinement. Faut-il donc s'étonner, l'union de l'âme étant divine, que ces opérations le soient aussi?